8h20, Montréal possède maintenant un nouveau site web pour son 375e anniversaire. On en discute à l'instant avec Patrick Dion, auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Comment cela va-tu? Cela va très bien. Excellent. Pas très compliqué comme adresse, hein? 375mtl.com. Oui. Hey, en 2017, Montréal va fêter ses 375 ans. C'est fou quand même, 375 ans, puis ça a plus de cheveux que moi. Mais bon, en tout cas, ben pour l'occasion, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a lancé jeudi dernier le site, comme tu disais, 375MTL, qui n'est pas très difficile à se rappeler, pour donner une vitrine web à l'événement. Donc, le site a été créé par l'agence Acouphène Atelier Créatif, une agence montréalaise qui est connue, entre autres, pour son expérience immersive Journal d'un insomniaque. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année passée, on en a parlé. Là, c'était vraiment hallucinant. C'était un des beaux sites. Avec l'ONF. Là, exactement. Ouais. Donc, mais là, on s'entend que le site 375MTL est beaucoup plus sobre, mais il est quand même super bien fait. On trouve pas énormément de trucs pour l'instant, mais on peut quand même dénicher quelques informations sur l'organisation, sur la société qui entoure ça, sur le développement même de certains projets qui sont mis de l'avant. On peut aussi déposer sa candidature spontanée pour un emploi ou du bénévolat, mais il n'y a rien d'affiché encore en ce moment. Puis, qu'on va attendre les prochaines élections avant de se prononcer pour le 375e. Ouais, enfin, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont mettre le site à terre. Il y a plein de choses qu'on ignore. Hein? Le site possède aussi des comptes Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations en ce moment, mais le site est en constante évolution, puis on ne pourra pas dire qu'ils ont dormi sur la Switch 4 ans à l'avance comme ça. 375mtl.com. Voilà. On parlait de Madonna. Je ne suis pas un grand fan de Madonna. C'est rare qu'on parle de Madonna ici aux Oranges Pressées, mais ça a été un de mes coups de cœur cette semaine dans tes suggestions. Elle a un projet qui s'appelle The Art of Freedom. Ouais, je ne peux pas dire, comme je disais, que je suis un grand fan de Madonna, mais elle a toujours été à l'avant-garde et ça, je l'ai toujours respecté pour ça. Malgré ses 55 ans, bien sonnée quand même, bien préservée, la madame. Alors, donc, son nouveau projet Art for Freedom, qui comprend entre autres un court-métrage de 17 minutes qui est disponible en ligne, qui parle de discrimination, d'injustice, de droits fondamentaux et de liberté d'expression. Rien de moins. Et quelle vidéo! On doit le mentionner, là, c'est vraiment une superbe vidéo. La direction photo est hallucinante. C'est en noir et blanc pour... Ouais, ben c'est ça. En fait, ça a été créé par un photographe new-yorkais qui s'appelle Steven Klein, que je ne connaissais pas, mais qui est peut-être hyper populaire dans le domaine de la photographie. Donc, le résultat, c'est un espèce de croisement entre un poème visuel en noir et blanc et des numéros de danse faits par Madonna et ses danseurs. C'est hyper beau. Mm-hmm. C'est assez provocateur. C'est assez provocateur aussi, mais c'est à l'image de Madonna. Il y a certains qui vont peut-être crier au coup de marketing ou au coup de publicité, mais on ne peut pas ignorer le message qui est derrière, c'est-à-dire abat toute forme de discrimination. Mais le projet, c'est plus qu'un film. Le film, entre autres, qui est disponible gratuitement soit sur le site, soit sur YouTube, ou même on peut le télécharger en format HD par BitTorrent. Mais c'est aussi le point de départ d'une expérience sociale dans laquelle les internautes de toutes origines et allégeances sont invités à soumettre leurs idées sur la liberté d'expression, que ce soit en format texte, photo ou vidéo. Et à tous les jours, on nous présente un article de fond qui parle des divers militants pour la liberté d'expression à travers le monde. Donc, des Art of Freedom. Beau. Allez voir ça, ça dure 17 minutes. C'est 17 minutes très bien investies. Autre projet qui vaut le détour, c'est un projet à New York qui s'appelle Humans of New York. Oui, un autre projet photo. En fait, ça existe depuis 2010 et j'avais jamais vu ça avant. Mais je suis tombé dessus cette semaine et ce site-là est devenu immédiatement un coup de cœur instantané. Ça parle en fait des gens, de leurs rêves, de leurs aspirations. Ça parle de la photo dans laquelle ils ont été pris et ça parle des gens, malgré mon tombe à vue, j'aime beaucoup les gens. Alors, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça. En fait, c'est une idée d'un photographe amateur qui s'appelle Brandon Stanton, qui vient de Chicago, qui a lâché tout ce qu'il faisait et qui a déménagé à New York pour prendre des photos. Il a démarré un Tumblr où, à l'origine, il prenait des photos d'étrangers dans la ville. Mais le projet a rapidement évolué parce qu'il a commencé à discuter et à échanger avec ces gens-là. Et il a écrit leurs histoires, des bribes d'informations sur la photo. Monsieur, madame, tout le monde. Oui, oui, absolument. Puis même des fois, ça peut être un chien, ça peut être n'importe quoi. Il y a vraiment... Non, mais il y a vraiment... Donc, on discute avec les chiens, c'est inquiétant, c'est un petit peu plus, mais bon. À New York, je suis sûr qu'il y en a plus qu'un. Mais depuis 3 ans que ça existe maintenant, c'est vraiment des tranches de vie en mots et en images des différents inconnus dans la grande ville. Son projet est tellement devenu gros. Il y a 1 million de followers sur Facebook, d'abonnés Facebook à sa page. C'est vraiment immense. Puis, il a continué à prendre des photos quand il a fait des voyages à Boston, à San Francisco et même en Iran. Et on a maintenant droit à Humans of New York en Iran, qui est un petit peu paradoxal, mais voilà. Puis, je ne sais pas si c'est ça qui a comme enflammé. Ça ne leur tentait pas de changer le titre Humans of Iran ou... Ah, peut-être. peut-être, mais là, il aurait fallu sortir un autre site web. Puis, non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si ça a enflammé l'imaginaire de la planète, mais maintenant, il y a des rejetons de Humans of New York partout. Il y a Humans of Paris, Humans of Toronto, et est-ce même, il y a un Humans of Montreal. Oui, tout à fait. Qui sont des, par contre, des photos sans texte qui ont été captées par le photographe Albert Zablit depuis les 10 dernières années. Vraiment, c'est très, très beau, ça aussi. Allez, garochez-vous tout de suite, là. Go! Go! Ben, après, à 9h, mettons, après l'émission. On va glisser tous les liens, tous les hyperliens mentionnés dans cette chronique sur notre page Facebook des Oranges Pressées. Merci, Patrick. Bonne semaine.